Comment direz-vous, pourriez-vous me dire? Können Sie? Können Sie, ça correspond à pouvez-vous. Pourriez-vous, c'est könnten Sie. Könnten Sie, oui. Pourriez-vous me dire? Könnten Sie mir sagen? Bien. Könnten Sie mir sagen? En employant le verbe sollen, comment diriez-vous, vous devez me dire? Sie sollen mir sagen. Sie sollen mir sagen. Oui, qui veut donc dire soit vous devez, soit vous devriez me dire. Mais pour dire vous devriez me dire, au lieu de Sie sollen mir sagen, vous pouvez aussi dire Sie sollten. C'est ça. Sie sollten mir sagen. Vous auriez pu me dire Sie haben. Là, vous allez dire vous avez pu me dire. Comment dit-on vous auriez? Sie. Sie. Hä. Sie hätten. Oui, c'est ça. Sie hätten. Vous auriez. Donc, vous auriez pu me dire. Sie. Sie hätten mir sagen können. Bien. Sie hätten mir sagen können. Vous employez hätten pour vous auriez et können pour pu. En effet, können est un verbe portemanteau. Dans ce cas, au lieu du participe passé, on emploie la forme de l'infinitif pour plonger dans le passé. Ainsi, on a Sie hätten mir sagen können. Comment diriez-vous, vous auriez pu me le dire? Sie hätten mir es sagen können. Oui, mir es, ou plutôt es mir. Sie hätten es mir sagen können. Il faut garder le même ordre de mots que lorsqu'on dit « vous auriez pu le dire ». Comment direz-vous « vous auriez pu le dire » ? Sie hätten es sagen können. Oui, Sie hätten es sagen können. Es vient après « hätten ». Eh bien, si on ajoute « me le dire », il faut suivre le même ordre de mots. Sie hätten es mir sagen können. Et comment diriez-vous « vous auriez pu nous accompagner »? Vous auriez pu venir avec nous. Sie hätten mit uns mitkommen können. Bien. Sie hätten mit uns mitkommen können. Vous auriez pu venir avec nous, c'est-à-dire vous auriez pu nous accompagner. Et comment dira-t-on « vous auriez pu l'acheter » ? Sie hätten es kaufen können. C'est ça. Sie hätten es kaufen können. Vous auriez pu l'acheter. Et maintenant, construisez la même phrase avec sollen à la place de können. Auriez pu, c'est hätten können. Et auriez dû, ce sera hätten sollen. Hätten sollen. Oui. Comment diriez-vous, vous auriez dû l'acheter? Sie hätten es kaufen sollen. Sie hätten es kaufen sollen. Oui. Et vous auriez dû me le dire? Sie hätten es mir sagen sollen. Sie hätten es mir sagen sollen. Vous auriez dû me le dire, j'aurais pu l'acheter pour vous. Sie hätten es mir sagen sollen. Bien. Sie hätten es mir sagen sollen, j'aurais pu l'acheter pour vous. Ich hätte es für Sie kaufen wollen. Vous venez de dire « j'aurais voulu l'acheter pour vous », mais je vous avais demandé « j'aurais pu l'acheter pour vous ». Ich hätte es für Sie kaufen können. Bien. Ich hätte es für Sie kaufen können. Et comment diriez-vous au lieu de « j'aurais pu l'acheter pour vous »,« je l'aurais acheté pour vous » ? Là, il n'y a plus de verbe portemanteau. Je l'aurais acheté pour vous. Ich würde... Non. Würde indique bien le conditionnel. Il permet par exemple de dire « je l'achèterai pour vous ». Par exemple, si j'étais riche, « je l'achèterai pour vous », ce qui donnerait « ich ». Ich würde... Oui. Il est important de bien prononcer le « u-umlaut » de « würde ». Vous verrez bientôt pourquoi. Donc, pour « je l'achèterai », on a « ich ». Ich würde. Bien. Ich würde es. Je l'achèterai pour vous. Ich würde es. Für Sie gekauft. Kaufen. Bien. Ich würde es für Sie kaufen. Je l'achèterai pour vous. Et maintenant, revenons à la phrase que j'avais demandée. Je l'aurais acheté pour vous. Ich? Je l'aurais acheté? Ich? Ich hätte es für Sie. Für Sie? Oui. Ich hätte es für Sie. Maintenant, il vous faut plonger. Gekauft. Bien. Gekauft. Ich hätte es für Sie gekauft. Et encore une fois, comment diriez-vous je l'achèterais pour vous? Si j'étais riche, nous sommes toujours dans un cas de figure hypothétique. Ich würde es für Sie kaufen. Ich würde es für Sie kaufen. Et encore une fois, je l'aurais acheté pour vous. Ich hätte es für Sie gekauft. Gekauft. Gekauft. C'est ça. Ich hätte es für Sie gekauft. Et j'aurais pu l'acheter pour vous. Ich hätte es für Sie kaufen können. Bien. Ich hätte es für Sie kaufen können. J'aurais dû l'acheter pour vous. Toujours en employant sollen. J'aurais dû l'acheter pour vous. Ich hätte es für Sie kaufen sollen. Oui. Ich hätte es für Sie kaufen sollen.